Hi, this is Jean Manson. C'est Jean Manson. Ici sur la radio RLM que j'aime. Et j'espère vous voir tous parce que je vous aime beaucoup. RLM 107.9 FM. Et tout comme Jim Manson, nous aussi, on adore l'antenne RLM dans l'émission 120 au compteur. Salut, c'est Harry, en compagnie de plein de bonnes personnes, de belles gens. On va dire presque. Oui, alors on va commencer. Tiens, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on va commencer par Canon qui est avec nous. La voix féminine, hein. Bonsoir non, à la tous. La voix masculine, celle qui a la voix. Salut les caniculés. Pourquoi ? On est tous caniculés en ce moment. Les caniculés. C'est pas mal. C'est vrai. Très chaleureux. Pendant deux jours, là, c'était mieux, mais là, on se refait caniculer encore. C'est sûr. C'est chaud. Allons à l'essentiel. Tu vas nous parler de quoi, Canon, ce soir ? Je vais me parler de toi, tiens. De rien de précis. Par contre, si, une chronique. Je vais te sortir une. Une chronique, puisque tu ne les vends jamais, mes chroniques. Donc, sur une chanson mythique que j'ai traduite, enfin, que je me suis servi de traducteur et en même temps, le remettre dans le contexte. Oui. Et j'aimerais bien, avant de vous dire le titre, de savoir si vous allez la trouver, parce que c'est vraiment une chanson qui a été écoutée plus de 25 millions de fois par an, monde confondu. Donc ça fera 25 millions et une fois, puisqu'on va la réécouter ce soir. Absolument, en version un petit peu différente. D'accord, eh ben, écoute, ça marche, on attend ça. Sherlock est avec nous, évidemment. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va ? Bien, et toi ? Oh là, dites donc, la pêche. Oui, surtout la banane. Ouais, on dirait qu'il est célibataire en ce moment, je sais pas pourquoi, mais la pêche, là. Je suis bien sûr, mais du sucre. Alors, ce soir, évidemment, Sherlock, deux chroniques. Oui, incontournable. Oui, le rétro 80. Non, c'est pas ça. Raté. Le rétro ciné. DJCFL sort de ce corps. Non, c'est parce que le film est de l'année 1980. Ouais. C'est pour ça, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mm-hmm. Et ensuite, les sorties ciné. Alors, il y en aura très peu, il y en aura que deux cette semaine, des sorties ciné. Oui, il fait chaud. Et puis, on n'a pas forcément envie d'aller au cinéma. Et on termine par le gâteau sur la cerise. Oui, Marine. Bonsoir, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Alors toi, tu vas nous faire une chronique sur un. C'est pas forcément un artiste du moment, c'est un artiste qui date depuis 30 ans, mais on entend encore parler de lui aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un nouvel album qui sortira au mois de septembre. Tu vas nous parler de Lenny Kravitz. Et nous faire une petite chronique sur son actualité. C'est ça. Puisque, rappelons-le, on est allé le voir. Nous sommes allés le voir en concert. Oui, et Paris, c'était bien. Ouais, absolument. Et puis je vous parlerai aussi d'une opération qui est menée par un commerçant qui va vous permettre donc de gagner des entrées pour la Foire Expo de Douai et aussi des concerts qui aura lieu. Donc je vous parlerai de la programmation des concerts et ce sera donc dans le courant de l'émission. Ok, bon, on se retrouve tout de suite après ça alors. We want to bottles already know how that feels. Première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Ouais, toujours premier sur les hits, mais bah, on n'a pas encore entendu Canon, donc on verra. Donc vous êtes bien sûr toujours dans l'émission 120 au compteur, avec toute la bande. Hein. Il y a Canon, Marine, Sherlock, présent pour cette émission. J'espère que vous passez un très très bon moment. Et moi, bien sûr. Ah bah oui, je suis là. Lui, on fait que l'entendre, on sait qu'il est là. Canon, alors, oui. Une vieille chronique que j'adore. Une vieille chronique, ouais, ouais, ça vient... Ouais. Ah oui, oui, ça oui, parce que bon, c'est-à-dire hein. qu'on a eu quand même une vie antérieure, et c'était une chronique on qui marchait très très bien. Ouais, ouais, ouais. Et ça va vous rappeler des souvenirs, chers amis auditeurs. Ouais. Alors elle est très simple la chronique, j'essaye de vous dénicher ben, dans les chansons mythiques, mais vraiment mythiques, tout le monde la connaît. Une chanson que par habitude vous et moi on peut fredonner en anglais, et en fait on connaît quelques phrases dedans, mais on cherche pas le sens profond, c'est des longues chansons qui ont vraiment un sens et qui ont été écrites avec un thème, et ceux qui l'ont écrite s'expliquent après, je vous en parlerai en deuxième partie. Alors je vais vous donner la traduction française, hein, et vous allez essayer de la découvrir. Donc vous avez trois couplets, le premier est très très long, c'est une chanson longue, d'accord ? Elle est mythique, d'accord ? Sur une autoroute sombre et déserte, un vent frais passe dans mes cheveux, un peu comme un concert d'Lenny Kravitz. La senteur tiède des colitas s'élevant à travers l'atmosphère. Au loin, j'aperçus une lumière vacillante, ma tête devient lourde et ma vue s'obscurcit. Je dus m'arrêter pour la nuit, elle se tenait debout dans l'encadrement de la porte. J'entendis la cloche de l'église et je pensais en mon fort intérieur, ça pourrait être le paradis, comme ça pourrait être l'enfer. Puis, elle alluma une chandelle et me montra la route. Il y avait des voix au fond du couloir. Il me sembla les entendre dire. Vous avez une idée ? Est-ce que ça a un rapport avec un chanteur qui est plutôt androgyne ? Non. Non. Non. Non. Bienvenue à l'hôtel California. Quel endroit délicieux, ah. Quel visage ravissant. Écoutez bien la suite, parce que maintenant vous avez la chanson. Il y a plein de places à l'hôtel California tout au long de l'année, vous pourrez en trouver ici. Son esprit est perverti par ses goûts de luxe, elle a les courbes d'une Mercedes, elle a plein de très très beaux mecs, qu'elle appelle ses amis, comme ils dansent, ils lui font la cour. Douceur estivale, certains dansent pour se souvenir, d'autres pour oublier. Alors j'ai appelé le capitaine. « Apportez-moi du vin, s'il vous plaît. » Il me répondit « Nous n'avons plus cet alcool depuis 1969. » Et toujours ces voix qui m'appellent de loin, qui te réveillent au milieu de la nuit, juste pour les entendre dire « Bienvenue à l'hôtel California, quel endroit délicieux, quel visage ravissant. » Ils font la noce à l'hôtel California, quelle agréable surprise. Présente tes bonnes raisons, il y a des miroirs au plafond. Le champagne rosé sur la glace et elle dit « Nous sommes tout simplement des prisonnières ici, de notre propre initiative. » Et dans les chambres des maîtres d'hôtel, ils se réunirent pour le festin. Ils la piquent avec leur couteau d'acier, mais ne peuvent tout simplement pas tuer la bête. La dernière chose dont je me souviens, je courais en direction de la porte. Je devais trouver le chemin du retour vers l'endroit où j'étais avant. « Reste calme, me dit un gardien de nuit. Nous sommes tous programmés pour accueillir. Tu peux régler la note quand tu veux, mais tu ne pourras jamais partir. Bienvenue à l'hôtel California. » Ah ouais. Voilà, alors il faut savoir, c'est une chanson américaine bah, que tout le monde connaît du groupe ouais. Eagles. D'ailleurs, on reçoit un message hein, d'une auditrice, Véro, qui nous écoute régulièrement et qui nous a donné la réponse. Ah, excellent, excellent. Donc, elle est sortie en 1977. Il faut savoir qu'elle est classée numéro 49 parmi les 500 titres les plus écoutés, les plus vendus de tous les temps, selon Rolling Stone. De tous les temps ? De tous les temps, ouais, de tous les temps. Après, il y a eu le Téléthon et c'était à la radio. Donc en 2014, et toujours selon Rolling Stone Magazine, il s'avérait que c'est une chanson les plus écoutées et diffusées au monde, avec 2 563 000 diffusions chaque année. Je disais des bêtises, c'est 2 563 000 tout à l'heure. Ah oui, ouais. Et l'auteur, Glenn Frey, en dit ceci. Lorsque vous conduisez la nuit à Los Angeles, vous pouvez... Attends, c'est parce que je vois pas très bien. Vous pouvez... Ce que je te propose, c'est qu'on écoute ta chanson. Oui, et bah, écoute, voilà, ouais, alors, je vous ai fait... C'est une chanson Hotel California qui a été reprise. On parlait parfois de techno, mais de la bonne techno, qui a été reprise et plus rythmée. C'est vraiment pas mal. Ouais. Et c'est un univers, voilà, c'est pour vous la faire découvrir un petit peu différemment. Et je reviens après ça, vous expliquer sa genèse. Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gather for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you just can't never leave. Ah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette version. Il y en a une très très belle aussi. Alors, particulière, hein, tout de même. Ouais, mais c'est un peu plus rythmé. Moi, j'aime bien les chansons qui sont un peu revisitées. Il faut savoir qu'en 2014, comme je vous en parlais, il y a le leader du groupe qui s'appelle Glenn Frey. Enfin, du moins, c'est lui qui s'exprime. Le leader, il y en a d'autres. Hein. Je vous rappelle qu'il y a Don Felder et Don Henley. Donc, en fait, il disait ça. Ça s'est passé comme ça. Lorsque vous conduisez la nuit à Los Angeles, il revenait avec le groupe Eagles, ben, en fait, vous pouvez voir la lueur de l'énergie des lumières d'Hollywood et de Los Angeles à 100 miles dans le désert. Et à l'horizon, quand vous êtes au volant, toutes ces images commencent à vous venir en tête sur la propagande et la publicité. Donc, il y avait un petit alinéa, c'est-à-dire c'est que vous avez des panneaux à Las Vegas, vous roulez, c'est dans le noir tout le temps, et tous les kilomètres, vous avez un panneau avec une super blonde, une voiture, tout ça. Donc, ce qu'il en disait, en fait, c'est que ça commence à venir en tête, et les cinémas, les étoiles sur Hollywood Boulevard, les plages, les bikinis, les palmiers, toutes ces images que vous voyez auxquelles les gens pensent quand ils pensent à la Californie, commencent à traverser votre esprit. Et puis il dit, vous anticipez cela, et ils ont commencé dans la voiture à ébaucher un peu le texte, de parler de ça pour arriver à la fin. Après, c'est lui qui a écrit le texte. Donc, ils se sont arrêtés dans un hôtel en Californie. Dans tous les films américains avec le petit truc dans le désert qui vole avec le petit motel, et c'était. Et donc, bien vu, parce qu'au départ, ils avaient trouvé que Motel California, c'était tellement bon, quand on a dit ça va faire un tabac, c'est mettez hôtel, parce que hôtel, c'est ça passe dans tous les pays, hôtel. Ouais. Alors que motel, c'est vraiment attaché aux États-Unis. Ouais. Ils se sont dit, oui, ça va être bien, mais ça va être un public américain. Et ils ont fait le tour du monde. 2 456 000 écoutes par an. Je suis pas étonné. Alors 2014 alors, mais bon, c'est voilà. Donc c'est un slow qui est encore demandé sur les soirées généralistes. Hein, bien sûr. Je pense à Jean-Marie Houdemaker, hein, qui a organisé soirée 69-99 tous les 3-4 mois. Là, il y a toujours cette chanson. Hein, c'est un incontournable. Ça passe bien. Quelle année déjà, rappelle-nous. 1972, ouais, c'est ça. D'accord. Je l'avais imaginé plus ancienne, moi, quand même. 77. Ah ouais, j'avais imaginé plus ancienne. 77. Mais très bonne chanson. Et donc voilà, je vais essayer de vous reprendre des chansons comme ça, mais vraiment mythique, c'est-à-dire des choses comme vous et moi, on connaît tous, comme Captain Is It What, la dernière fois. Ah, j'adorerais que tu le fasses. Mais je l'ai fait, c'était il y a deux ans. Ah oui, c'est vrai. Mais je veux dire, mais pas sur RLM. C'est en fait quand t'écoutes ce qui est écrit derrière, Grandmaster Flash, je vous la retraduirai, elle est très très longue, et Don't Push Me Cause I'm Close to the Edge, c'est l'histoire d'un gars qui est complètement dans une vie fou, et en fait, c'est une très très belle écriture de ce qui se passe maintenant, de dire, mais le monde devient fou, et lui, il écrit à l'américaine et à la dure, mais il y a des trucs avec le voisin qui sort. Tu pourras nous faire Dada, j'adorerais. Ah, je vous l'avais fait aussi, ça se souvient pas. C'est Alzheimer, c'est quoi le film dont tu vas nous parler sur Alzheimer? Donc Din Dada, en fait, voilà, non, mais c'est Din Dada tout le temps, et il y a un mec qui a traduit, et en fait, c'est Din Dada, il a collé, c'est excellent. Donc, vous voyez sur coccinelle.com, c'est Din Dada. Oh, déjà le nom du site. Ouais, mais c'est le meilleur site de traduction, parce qu'il y a des mecs qui le mettent, et il y a parfois des linguistes et des gens qui interviennent dans le truc en disant, ouais, mais le sens profond, tu le traduis de mot à mot, et c'est pour ça que je prends mes traductions. Je suis anglophone, mais je me sers aussi de ça pour garder l'esprit. Et vous m'avez pas posé la question, je vous ai dit à un moment, je termine là-dessus, hein, je me fais mon cinéma. Ton âge? Voilà. T'as quel âge, Canon? Moi, je me rappelle. 51 ans, mon gars. Et bah, je vous souhaite tous d'être comme moi. Il est fait pas, hein, quand même. À un moment, ouais, il dit, il le vent frais passe dans mes cheveux, la senteur tiède des colitas. Ah, c'est quoi des colitas? Ah, voilà. C'est des petits bourgeons, comme ça sur la gueule. C'est quoi? Quoi? Des petits bourgeons, un peu comme ça sur la gueule. Allez, mets de la musique, Sherlock. Il vaut mieux, ouais. Alors, avec un autre groupe qui a été mythique aussi, qu'on entend beaucoup moins maintenant, c'est Aerosmith. On se retrouve après, donc Aerosmith et les Innocents, qui chantaient Jody en 87. Ah, ouais. Walking like a bat. faire le tour au monde, on ferme la page, laisse partir ce train. Tu fais le grand voyage, ce n'est pas pour demain. Tu n'as pas grand-chose à perdre si tu t'en vas. Jody, disparaît, n'attends pas. La chance passe, jamais deux fois. Partir, rouler jusqu'à la mer. Prendre un avis, voir s'éloigner la terre. Partir, maintenant ou jamais, ou jamais. Referme ton roman, referme la page. Laisse partir ce train. Tu fais le grand voyage, ce n'est pas pour demain. FM. Toujours dans l'émission 120 au compteur et j'espère que vous passez un très très bon moment avec nous. En tout cas, nous on passe un très très bon moment et que je sais qu'il y en a de plus en plus qui nous écoutent. Hein. On a des messages par-ci et là. Ben j'espère bien. Ça fait plaisir. Ben oui, non mais j'espère vraiment. Bien qu'ils sont de plus en plus. Ils étaient voilà. De moins en moins. Je dans passe la merde. D'ailleurs un petit coucou à Margaret hein, qui nous écoute régulièrement et qui aime beaucoup notre bonne humeur. Non, on n'est pas Thatcher. Non. Margaret qui nous écoute régulièrement. Je pense aussi également à Nathalie qui nous écoute. Alors moi, je voudrais vous parler d'un événement. Alors c'est au mois de septembre. Mais c'est intéressant d'en parler. Je voulais vous parler de la foire expo de Douai, donc la foire expo de Gaillan, oui. Qui va avoir lieu donc du 1er au 10 septembre donc 2018. Le thème de cette année, puisqu'il y a un thème tous les ans, c'est Trésor des empires de Chine. Donc si vous n'avez jamais été à la foire expo donc de Douai, vous avez toute une partie où ils refont tous des t-shirts à 1 euro. Mais arrête. Et donc effectivement l'année dernière par exemple, c'était tout autour de Cuba, donc il y avait toute une ambiance cubaine, c'était assez sympa avec des cours de salsa, voilà. Et cette fois-ci donc ce sera plutôt autour de la Chine bien évidemment. Donc il y a la foire expo où vous avez près de 800 exposants quand même. C'est énorme. Donc l'entrée est payante. Vous avez donc avec cette entrée la possibilité donc évidemment de visiter tous les exposants et aussi de participer à ce qu'on appelle au carré brasserie, pardon. Donc c'est au bout de la salle. Alors, c'est une énorme salle, je ne sais plus combien il y a 1000 personnes qui peuvent assister au concert donc de soirée. Alors il faut savoir qu'il y a quand même une programmation qui est assez éclectique cette année, puisque le 1er septembre il y aura Enrico Macias. Voilà, alors ensuite c'est plutôt pour les pour nos amis pour les donc le 2 septembre il y aura un thé dansant, le 3 septembre il y aura Soul Train Memories, donc un groupe qui reprend de la soul. Le 4 il y aura Chaim. Le 5 septembre, il y aura Claude Barzotti. Tiens donc, Claude Barzotti qui va se produire. Le 6, il y aura Chico et les Gypsy King, qui peut être sympa. Oui, hein, ça peut être très sympa. Le 7, il y aura une soirée ambiance années 80. Alors, il y aura Philippe Lafontaine, il y aura Raft et Léopold Norevou. Pourquoi pas. Le 8, il y aura un hommage donc à Johnny Hallyday. Donc, c'est un spectacle qui s'intitule Johnny Story. Voilà. Et ensuite le 10, donc ça se termine toujours par l'orchestre Kubiak. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un orchestre émérite réellement. À l'époque c'était Stéphane Kubiak et c'est son fils qui a repris le groupe. Christian Kubiak, alors qu'il fait un concert, c'est un peu dans la même veine que Mister Cover, hein, vraiment réellement. Et ça en vaut vraiment le détour. Et alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'effectivement vous avez la possibilité donc de remporter, si vous le souhaitez, vos places gratuites pour rentrer au salon et aussi participer donc au concert. Et pour ça, donc il y a une opération qui a été lancée par une de nos amies commerçantes qui s'appelle donc À tout bout de fil. Donc vous allez le retrouver sur Facebook. Vous allez voir, c'est très très simple. Il suffit tout simplement d'envoyer donc une lettre à l'adresse qui est indiquée donc sur la page Facebook. Vous allez le voir, hein, sur notre page 120 au compteur. Et puis vous réclamez vos places. Il y a 200 places à gagner. Je crois que de mémoire il en reste un peu plus d'une cinquantaine. Donc n'hésitez pas à envoyer donc vos coordonnées avec un petit mot. Alors si vous voulez participer à l'un des concerts, bah, c'est surtout l'occasion. Ouais, bien sûr. Et puis, nous, on participera forcément au concert de Claude Barzotti. Hein. Par contre, c'est une foire commerciale parce que tu parles, le thème c'est la Chine, mais c'est tout commerçant ou alors il y a une thématique? Alors, il y a deux parties. Il y a une grande thématique avec des grands chapiteaux. La thématique là, en l'occurrence, donc trésor des emprises de Chine, des empires de Chine. Et ensuite, ce sont que des commerçants, bien évidemment. D'accord, alors il y a de tout. Il y a de l'artisanal, il y a de la voiture, il y a du vêtement, il y a de l'immobilier, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Voilà, c'est un salon commercial et je crois que c'est l'un des plus grands salons commerciaux de France. Ouais, et c'est il bat de loin le salon commercial de Lille, faut le savoir quand même. Bien sûr. Donc voilà, et ça se passe entre le 1 et le 10 septembre. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook ou sur la page directement de À tout bout de fil. Et vous allez voir, c'est en partenariat avec le fan club de Claude Barzotti. Ce qui ne vous empêche pas de réserver vos places pour d'autres spectacles si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous pouvez aussi gagner donc vos places pour Claude Barzotti. Voilà. Bah, tu dis ça, tu vois Enrico Macias, moi ça fait rire. Moi je me vois bien à l'écouter parce que c'est quand même des grandes stars, quoi. Mmh. C'est pas ma couleur musicale au quotidien, mais voir Enrico Macias en direct chanter, moi je trouvais ça sympa. Pourquoi pas? Bien sûr. Bonjour, je suis Rital et je le reste. C'est Claude Barzotti et vous êtes sur la radio RLM. Eh ben, bel hommage. On va s'écouter un petit Barzotti alors. Oui. Je vous regardais tendrement. J'aurais bien voulu vous parler. Mais le courage m'a manqué. Faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame, et pourtant je pense à vous bien souvent je pense à vous, madame, souvent. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. J'ai au cœur une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud? Devenir mon habitude. Vous serez mon premier été, ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, je pense à vous. Porque Kelofi. J'adore, et d'ailleurs les paroles de cette chanson, elles sont magnifiques. Vous savez pourquoi d'ailleurs, hein, de quoi ça parle exactement, Père Kelofi. Bah, c'est parce que en fait le gars, sa nana est un peu drogué, quoi. Il lui demande pourquoi il lui fait ça, quoi, tout simplement. Lo-fi, perché. Et d'ailleurs, faudrait que tu me le rappelles un peu le nom du chanteur. Marco Massini. Ah, Marco Massini, j'adorais cette chanson et j'ai dansé là-dessus. Perché. Je me souviens de la dernière fois où tu l'as demandé. Oui. C'était à Fabrizio Zeva. Exactement, et qui me l'avait chanté en direct. Oui. Rappelle-toi. Oui, voilà, c'était au petit touquet. Et d'ailleurs, on le salue petit au passage. Au petit tourné. Au petit tourné. C'est petit tourné. Ah ouais. Non, j'ai travaillé 4 ans, donc c'est petit tourné. C'est petit tourné. Et ben voilà, en parlant de tourné, ça n'a rien à voir, sans transition, comme dirait l'autre. Marine. Oui. Alors, Marine va nous parler d'un événement qu'elle a vécu, mais avant de parler de cet événement, elle va nous parler de l'artiste, bien évidemment. Ouais, Lenny Kravitz. Ah, tiens, dites-moi, t'es motivé. Monsieur Lenny Kravitz. Monsieur Lenny, ouais. Alors, raconte-nous un peu, Lenny Kravitz. On est allé voir à Lille le 25 juillet. Ouais. Avec en première partie un groupe qui s'appelle MF Robot. Donc ouais, c'est drôle musique de nom. Ouais. Et drôle de chanteuse, mais elle chante super bien, je trouve. Ah, c'est des femmes. Magnifique. Il y avait deux femmes. D'accord. Et 3 ou 4 hommes, je pense. Mais c'est un mélange de jazz, de soul, de funk et de pop. Ouais. Donc c'est un peu. Donc elle arrive avec des plumes de paon sur la tête, un grand. Ça, ouais, ça c'est rock. Ça c'est rock. Elle m'a fait penser un peu dans le style, mais bon, avec plus haut, mais à Jamiroquai, parce que Jamiroquai aime bien aussi. Ah oui. Sa voix, ouais. Assez, ouais. Assez space, et ça elle sympa. Aussi. Et voilà, une voix évidemment exceptionnelle, quoi. Et ils ont joué pendant à peu près 45 minutes, et puis l'arrivée de Lenny Kravitz à 21h. Ouais, qui a démarré sur Fly Away. Fly Away. C'est qui Lenny Kravitz, Marine? Ouais, alors explique-nous un peu. C'est un beau monsieur. Ouais, non. Ah bah tu m'en sais que t'as amoureuse de Lenny Kravitz. Mais sinon, il nous vient d'où alors, Lenny Kravitz? J'ai appris qu'il habitait à Paris. Là, il est arrivé à Charleroi, ouais. Et s'est posé à 19h. Ah, il vient des États-Unis quand même. Oui. Il vient des États-Unis, famille, côté juif aussi. Il y a un côté juif et un côté. Son père juif et sa mère, je ne sais plus. Juif. Et lui, il est catholique. Non, des Bahamas. Des Bahamas, absolument. Ouais. C'était un Bahamien. Ouais. Juif. Ouais, et lui, il est catholique, hein, par contre. Il a toujours une Bible dans sa poche. Ouais, pendant le concert aussi. Bah là, oh, je sais pas s'il l'a dans. Bah oui, il avait un jean moulant, donc c'était pas dans sa poche. Vas-y, Marine. Et du coup, il nous a chanté 18 chansons. Donc ça a duré un peu plus de 2 heures. Il a commencé par Fly Away. Et puis il a fait toutes ses chansons, beaucoup de connues. En fait, c'est pour présenter aussi son nouvel album qui va sortir en septembre. Donc il a fait Low et It's Enough. Ouais, c'est vrai. Yes. Ouais. Et il a fait deux. C'est ce qu'il t'a chanté, non? It's enough. Non, ça, c'est pour savoir. Ça veut dire c'est assez. C'est assez. Ah. Dis la baleine. Non, c'était pas pour moi. Je me cache à l'eau. C'est pas possible. Là, elle est perturbée, Marine. Ça, on sait. Et ils étaient 8 sur scène pour jouer. Ouais. Et dont Lenny Kravitz, hein, ils étaient 7. Ouais, Lenny Kravitz, ouais. J'allais dire, ils jouaient tous la même chose ou. Non. Non, pas du tout. Non, non, non. Le batteur jouait pas de la flûte. Il y avait un leader. Ouais, non, mais ils jouaient tous la même chose en même temps quand même, quoi. Ils jouaient la même chanson. Sinon, ça a été un peu le bordel. Oui, non, mais bien sûr. Est-ce que c'était bien? Non, c'était des bons musicas. Ah, ouais. Hors pair. Mais on voit que. Enfin, si je peux me permettre d'intervenir, c'est qu'il y a une première partie, on a toujours l'impression, mais c'est toujours comme ça dans les concerts. La première partie, on déploie très peu de moyens. Hein, limite on cache tout et puis ça passe super bien, ouais. Et puis une fois que l'artiste, la guest star arrive, là on a déployé les moyens sonores pas possible. J'imagine quand même que quelque part parfois le son a été un peu traité. Il est toujours traité, bien sûr. Mais toujours bien. Parce que parfois effectivement il y avait des bon sa voix, il y avait de l'écho, il y avait de la réverb, voilà, mais c'est travaillé au fil. Vraiment, c'est il n'y a pas eu un seul couac, pas un seul Larsen, franchement. Ouais. Artiste très accessible, ouais, dans le sens où ah ouais, il va dans le public, il échange avec le public. Il y a eu un moment, une belle anecdote avec une nana qui fêtait son anniversaire. Ouais, lui a dit que c'était son anniversaire, du coup il y a descendu dans le public, il a pris dans ses bras et tout, du coup on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Il y en avait une dans le fond qui criait moi aussi. Ouais, mais même Marie il voulait un moment, hein. Après il y a même eu une nana qui était fan du batteur, ouais. Qui s'appelait Louis. Comment Louis. Je suis pas sûr que c'est Louis, je crois que c'est Franklin, hein. Bah, Louis Franklin. Roosevelt. Et donc avec une pancarte sur laquelle elle avait marqué Louis Franklin, je t'aime, ou quelque chose comme ça. Et Lenny Kravitz l'a vu, elle l'a pris par la main, elle a dit bah maintenant tu vas lui dire en face. En gros, c'est ça. Ouais. Et elle se retrouve avec le batteur. Et limite, elle passe à côté de Lenny Kravitz, elle n'en a rien à foutre. Ouais, ouais, elle va voir le batteur. Bon, après, évidemment, elle empoigne Lenny Kravitz. C'est, moi, j'étais agréablement surpris. Évidemment parce que donc il est accessible, c'est bien. Ouais. Et il passe dans le public. Et à un moment, il est dans le fond de la fosse, hein, carrément. Il est dans le fond de la fosse où il parle. Enfin, il parle. Non, il fait des gestes à tout le monde parce que si on parle, on l'entend pas. Mais il fait des gestes à tout le monde. Je sais pas ce que tu as retenu du concert. Toi, qu'est-ce que tu as préféré dans le concert? Lenny Kravitz. Il y a rien acheté. Non, rien acheté. Ah ouais, d'accord. Tout avant. Moi, pour ma part, j'étais resté sur ma faim parce que je me suis dit, il allait. Are you gonna go my way? J'ai eu peur qu'il ne le fasse pas. Il a fait deux rappels. Hein. Il a fait deux rappels, évidemment. Ouais. Le deuxième rappel, c'était ça. Et c'était excellent. Juste et à la barrière, en plus. Voilà, exactement. Ouais. C'est The Chamber ou c'est Chamber, le titre? The Chamber, c'est un titre que j'adore. Et je me rappelle plus que c'était lui qui l'avait fait. Et vraiment, très très bon concert. Je pense que ça reste, pour moi, dans le top 10 de mes concerts. Ouais. 75. 75 quand même, et ouais. Il chante 18 chansons quoi, une heure. Mais c'est Kravitz. C'est pas si cher que ça. Hein. C'est pas si cher que ça. Non, mais je vais monter mes tarifs. Pour un artiste comme ça. Mais je vais demander à des copines des copains de mettre des pancartes avec un batteur. Aznavour, il demande plus cher que son âge. T'imagines? Il demande 150 boules. Mais c'est vrai. Eh ben, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va s'écouter de Lenny Kravitz. Alors, bien sûr. Ah oui. Tiens. Are you gonna go my way? Ah bien. Et ensuite, on reviendra avec Low. Oui, alors ça, j'aime bien. Ah ouais. Allez, c'est parti. We'll be right back. C'était Low de son album Raise Vibration. Vibration. Et qui sortira donc quand, Marine ? En septembre. Voilà, donc alors ça c'est juste un extrait, il y en a d'autres. Il y a aussi It's Enough qui est aussi sympa, que vous pouvez... Qui reprise un peu de Michael Jackson d'ailleurs. Oui, il y a un petit air quand même effectivement à Michael Jackson, et donc l'album sortira en septembre. Ça c'est sorti dans les années 80, c'est le... Mais oui, c'est le... Ciné rétro ou le rétro ciné, c'est comme vous voulez. Ouais. J'allais dire le titre du film en fait. Ouais. Faut pas, non, c'est pas le principe. En train de le perdre, ouais. Je trouve, en ce moment. Tu vas nous parler du film Alzheimer, non ? Non, du tout. Non, alors le film dont je vais vous parler est sorti le 20 février 1980. Ah, celui-là ? Alors le 20 février, c'est la date à laquelle on est arrivé sur RLM, hein, souvenez-vous. Oui, c'est vrai. Quand même. Comme quoi ça passe en 80 déjà ? Non, peut-être pas, non. Alors c'est un film de Stuart Rosenberg. Ouais, un juif ? Sûrement. La musique. Oh, mais on s'en fout. Mais non, mais je sais bien, non. Mais bon, on parlait tout à l'heure de Kravitz qui était d'origine juive. Oui. Alors, la musique est de Lalo Schifrin. Schifrin ? Alors, dans les acteurs, il y a notamment Murray Hamilton, Don Stroud, Rod Steiger, Margot Kidder ou James Brolin. Ah, Rod Steiger, j'aime beaucoup, celui qui joue dans Les Dents de la Mer. Non, je pense pas, non. Rod Steiger, ouais. Ah, si Steiner, non ? Oh, si, peut-être, ouais. Mais si, que joue dans Les Dents de la Mer. Alors, le film a eu 2 nominations, donc aux Golden Globes et à Gérard May. Et il a fait 1 178 535 entrées au box-office français. Alors, si je peux me permettre, à mon avis, à l'époque, c'était pas Gérard May, c'était Avoriaz. Eh ben là, c'est Gérard May. C'est bizarre, parce que Gérard May, c'est venu après. Avoriaz, c'était pas dans les années 80. Hein. Il a peut-être une ressortie, je sais pas. Donc, c'est un film fantastique. On dit Avoriaz. Hein ? On dit Avoriaz. Oui, d'accord, mais c'est un film fantastique. Oui. Donc, c'est pas Gérard May, alors. Hein, parce que Gérard May, c'est depuis 10 ans, donc. que non, il y a un peu plus quand même. Bon, Sherlock, il faut que cela cesse des chroniques où tu n'as pas les bons éléments. Oui, ils l'ont adapté parce que Gérard May, effectivement, avant c'était Avoria, comme tu dis, mais jusqu'à dans les années 90, un peu plus tard, et ensuite c'est venu à Gérard May. Ouais, bah déjà dans les années 90, c'était Gérard May. Oui, mais c'est un film des années 80. Donc ouais, bah oui, mais c'est pour ça. Mais tu m'emmerdes. Mais, je vais te mettre un premier extrait. Si t'en as marre qu'un jour il te pète ta chronique, demande-lui d'en faire une. Ça serait bien. Mais je l'ai fait, j'en ai une. Si tu veux, je peux t'en faire une. Allez, bon, on s'écoute le premier extrait. Non, je ne suis plus moi-même. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi. Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, laisse-moi. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Chérie, tu es sûr que ça va? Mais oui. Oh mon Dieu, mais tu as vu ton pied? C'est rien, j'ai dû tomber. On dirait des morsures. Mais est-ce que tu vas me foutre la paix? Et en plus, on gèle dans cette maison. Quittons-la, tu veux bien? Prenons toutes nos affaires et partons. S'il te plaît, veux-tu laisser ce feu et veux-tu m'écouter? Je ne veux pas aller ailleurs. C'est toi qui as voulu l'avoir, cette sacrée baraque. Tu l'as eue, alors la ferme. Tu me dégoûtes. Ah, bah oui, évidemment. Alors, bah il y a eu des sempiternelles versions. Oui, bah oui, évidemment. Alors c'est un film. Oui, oui, évidemment. Alors je vais donner un indice. Moi, est-ce que c'est un rapport avec une maison? Ah oui. Et une ville. Oui, effectivement. Bah ouais, voilà. Bah oui. Avec beaucoup d'amis. Hein oui, c'est ça. Ouais. Alors Marine, tu pensais à quoi? Ah mais si c'est ça. Bah donne un indice, qu'on va voir. Hein. C'est pas un livre à la base. Alors, Stephen King. Non, c'est pas Stephen King. Non, c'est pas Stephen King. Non, tu penses à quoi? Shining. La même chose que toi, gros dégueulasse. Non, moi j'ai Shining. Oh, j'ai l'impression de me retrouver dans les grosses têtes des années 86. Alors pour Marine, je vais passer un autre extrait sonore. Écoute bien. J'ai étudié longuement le dossier de ces meurtriers, surtout celui du jeune garçon de 20 ans qui a tué ses parents et ses quatre frères et sœurs. J'ai suivi son procès aux assises, et il a certifié que des voix lui avaient enjoint d'agir, des voix qu'il entendait chez lui, des voix qui lui ont dit de passer aux actes. En ce qui me concerne, je soutiens les avoir entendus aussi. J'ai senti une présence dans cette maison. J'affirme qu'il y a une présence étrange dans cette maison. Révérend, un assassin sur deux dit la même chose. Des voix m'ont fait agir. Je suis homme de Dieu et psychothérapeute, et qui plus est, j'ai été sur les lieux, et j'ai vu des phénomènes patents, j'ai senti des phénomènes patents, et j'ai même entendu des phénomènes patents. Et ce n'est pas sans raison que je vous dis qu'une famille de ma paroisse court un danger grave. Ils affrontent un réel danger. Alors Marine, est-ce que ça te parle? Pas du tout, non. J'attends la traduction, c'est quand il fait « je suis homme d'église ». C'est « je suis homme d'église ». Excuse-moi, mon français, moi. Alors bon, forcément... Ah, moi j'ai trouvé. Hein. Bah oui. Bah oui, évidemment. Allez, je donne un dernier extrait pour Marine, pour voir vraiment si elle peut le trouver. Et ensuite... C'est un film mythique, il y a eu plusieurs... Il y a eu un remake il y a quelques années. Film d'horreur, oui, bien sûr. Voilà, tu parlais de Shining, on peut parler aussi, avec... L'Exorciste. Là, on parle d'un film aussi, dans ce genre de film. Très connu. Écoute bien le dernier extrait sonore de dialogue. Cette maison a une vie occulte. Toutes ces fenêtres qui s'ouvrent toutes seules. Et ces mouches qui envahissent la maison. À cette époque de l'année. Et l'accident de Grégory. Vous trouvez ça normal, vous? Et cette nuit, la porte d'entrée qui a été fracturée. Et en plus, de l'intérieur. Mais bien sûr, c'est l'histoire de John Ketchum qui continue. C'est-à-dire? John Ketchum a été chassé de Salem parce qu'il était accusé de sorcellerie. Et il a construit sa maison à l'endroit même où est la vôtre. Vous habitez une maison bâtie sur une terre dévolue aux pratiques des démons, la mort et le sacrifice. Alors, là je vois qu'il y a une lueur dans l'œil de Marie. Un indice, un indice. Une télé? Pas du tout. Non, c'est pas Poltergeist. C'est pas Poltergeist. Moi je peux. Allez, un indice, Winehouse. Winehouse. Oui, effectivement. Winehouse. C'est la house avec plein d'amis. Je vais vous passer la musique du film. Ah, je par contre aussi. De quoi? La musique du film est connue? Ouais, quand même. Par contre, vous êtes moqué parce que les micros étaient ouverts et j'ai sorti un truc, mais parce que tu l'as entendu dans la piste Grégory. Oui. Et ben parce que Grégory, en fait, ça tourne complètement autour de lui dans le film. J'ai jamais vu. Alors, donc la musique du film, c'est celle-ci. Et je vais vous donner donc le pitch du film. Donc, ça se passe dans la banlieue de New York. Le 13 novembre 1974, dans une maison bourgeoise, un jeune homme, dans un accès de démence, tue à coups de fusil ses parents, ses frères et ses sœurs. Ce serait le bonheur. Non, pas trop. À son procès, il affirme avoir été possédé par une voix lui ordonnant de tuer tous les siens. Quelques temps plus tard, la maison est mise en vente à un prix défiant toute concurrence. La famille Lutz l'achète malgré la tragédie qui s'y est déroulée. Ils n'y resteront que 28 jours alors que des phénomènes paranormaux se produisent. C'est dur à dire la tragédie qui s'y est déroulée. Ouais. Tu peux le redire, c'était très drôle. La tragédie qui s'y est déroulée. Effectivement. J'adorais. Alors. Ah bah tu veux la réponse ? Bah oui, forcément. Bah, vas-y, Canon. Amityville. Hein. Bah oui. Oui, Amityville, la maison du diable. Alors il faut savoir donc que Margot Kidder, donc qui joue la femme dans ce film, a tourné ce film peu après l'interruption de la production de Superman 2, dont 75% des scènes avaient été tournées par Richard Donner. L'actrice a ensuite repris son rôle de Lois Lane au début de l'année 80, et donc James Brolin était quant à lui hésitant avant d'accepter le rôle de George Lutz. Comme le script n'était pas prêt, il a commencé la lecture du livre de Jay Hanson. Il a été si captivé qu'il l'a lu quasiment d'une traite durant une nuit. Donc il faut savoir que c'est tiré d'un fait réel hein, quand même. Je comprends. Le meurtre est tiré d'un fait réel. Oui. La femme qui joue le rôle, c'est celle qui a joué dans Superman 2 ? C'est ça. Lois, dans le premier, dans le 2. Ouais, ouais. J'arrive pas à me remettre c'est Lois Lane, son ouais. visage. Alors dans un but purement commercial, certaines rumeurs auraient été colportées par la production, faisant part d'événements étranges survenus pendant le tournage. L'une d'elles rapportait que le film n'avait pas pu être tourné dans la maison d'Amityville parce que l'équipe de production aurait été trop effrayée pour y travailler. En réalité, la ville d'Amityville n'a donné aucune autorisation à American International Pictures, donc AIP, pour tourner sur son sol. Elle ne voulait pas de publicité supplémentaire sur l'affaire des meurtres. Le studio dut trouver une autre maison pour les scènes extérieures. C'est sur Brooks Road à Toms River qu'il la trouva. Des façades intégrant les fameuses fenêtres en quart de lune y furent ajoutées, ainsi qu'un toit mansardé pour ressembler à la maison d'Amityville. Donc ils ont quand même transformé une maison dans une autre ville, dans un autre état, hein, complètement en plus. Le film devient donc un véritable phénomène et connaîtra de nombreuses suites jusqu'en 96. Dès le second film, le préquel Amityville 2 le possédait, sorti en 82, de nouveaux personnages sont introduits à chaque film. Donc après de nombreuses suites, Dimension Films et la MGM tentent de relancer la saga avec le remake d'Amityville, réalisé par Andrew Douglas, sorti en 2005. Ryan Reynolds y reprend le rôle de George Lutz, donc c'est quand même pas rien, hein, c'est un bel acteur. Le film est un bon succès au box-office avec 108 millions et 47 000 dollars environ de recettes mondiales pour un budget de seulement 19 millions. Par la suite, plusieurs films vaguement inspirés de l'histoire d'Amityville sortent directement en vidéo de 2011 à 2015. Et en 2017 est sorti Amityville The Awakening, réalisé par le français Franck Calfoun. Oui, je sais, il a un nom à chier. Non, et on n'a donc, pas dit Calfoufoun. Non, c'est vrai. Alors, il faut savoir qu'à environ 20 minutes du début du film, on entend Margot Kidder qui est on voit Margot Kidder en train de faire la vaisselle. Et elle est en train de fredonner. Elle dort et elle fait la vaisselle. Margot Kidder. Ah, pardon, j'ai compris Kidder. C'est parce que tu parles mal, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Elle fait la vaisselle et on l'entend fredonner une petite musique. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le love theme de Superman. Ah ouais. Eh ouais, c'est un petit clin d'œil en fait qu'elle a fait dans le film. Et Margot Kidder donc a été embauchée suite à son rôle dans Superman, alors que James Brolin a dû lui passer une audition. Christopher Reeves a même été un temps pressenti pour le rôle. Ah, ça aurait été dommage. Bah oui, parce que je pense qu'il avait pas la tête de l'emploi. Il aurait fait l'handicapé qui se fait tuer quoi. Ah non, il volait à l'époque. Oui, il volait. Ouais. Ah, il tombait de cheval, ouais. Ouais. Il est jamais remonté d'ailleurs. C'est con pour Superman de tir de cheval. C'est vrai. Tu sais, Superman est mort. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il tire de cheval. Mais vous êtes con. Il s'habillait comme un con. Il mettait son slip au-dessus de son pantalon. Mais vraiment, je te jure. Et pourquoi il met S pour slip? Ça, tout le monde a vu que c'était un slip. Bon, alors en tout cas, pas de souvenir pour Marine concernant Amityville. Non, la version d'il n'y a pas très longtemps, mais oui, d'accord. 2005, ouais. Mais il faut avouer qu'elle a vieilli. La vraie version, toi, tu te souviens évidemment. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que ça vieillit. Ouais, ça a mal vieilli, malheureusement. J'avoue que les films modernes avec les effets spéciaux, etc., m'occupent genre rien à faire. Il y a certains films, j'en ai vu des nouveaux là où ça te scotche. À l'époque, ça nous scotchait, mais c'était autant aussi de Funès qui nous faisait rire. Et j'ai revu récemment De Funès, c'est son anniversaire. Enfin, ça aurait été son anniversaire. Ça aurait été joyeux anniversaire. Et d'ailleurs, on salue Charles au passage. Charles et Johnny, si vous nous entendez. Allez, on va faire une petite coupure musicale. Oui. Et juste après, justement, je vous reparlerai aussi d'un film d'épouvante que j'ai découvert. Plus tard qu'hier. Sausage Party ? Non, mais je vous en parlerai juste après. Ok, ça marche. Bon, on se retrouve juste après Jonathan Serrada pour le son belge. Ah oui. Avec une reprise qu'il avait fait de Michel Jonas avec Je voulais te... Oui, qu'il avait faite de Michel Jonas avec Je voulais te dire que je t'attends. Jonas. Et tout à l'heure, tu nous parlais de Jamiroquai. Bon, on va revenir avec Jamiroquai et Little L. Ah, ouais. J'adore Little L. Yeah. Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent, mon numéro d'appel aux abonnés absents, mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurai jeté la clé. J'irai voir les rois de la brocante. Vendez mon cœur 3,50 francs. Tu savais si bien l'écouter que ma vie s'est arrêtée quand tu m'as quitté. Je voulais te dire que je t'attends. Je t'attends. right now. 'Cause you can't decide what you really want from me. Et vous écoutez RLM à la radio. Ça sert à rien que je dise la fréquence, parce que s'ils l'écoutent, c'est qu'ils ont la bonne fréquence, tu comprends? Donc je vous dis pas la fréquence, vous n'avez qu'à regarder sur votre poste. RLM 107.9 FM. Mais ça, oui, j'adore. Il m'éclate, hein, Jean-Luc Fong. Ouais. Je pense que vous le connaissez évidemment du groupe Stella, qu'on avait eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois et aller voir en concert. Je sais pas si vous avez déjà été voir Stella en concert, Marine. Non, pas du tout. Ah, il faut. Canon? Non. Alors c'est complètement déjanté, Sherlock, je pense que toi t'as déjà... Pas du tout. Ah bah il faut aller le voir parce que c'est totalement déjanté. Alors c'est le roi du jeu de mots, c'est le roi du calembour, mais franchement il y a des musiciens quand même hors pair sauf lui. Non mais il s'en cache pas, hein, c'est un très mauvais musicien, un très mauvais chanteur. À chaque fois il le dit, je suis un non-chanteur. Et il fait semblant de jouer de la gratte, mais tout le reste derrière il a des musiciens hors pair. Et Torre Molinos par exemple, c'est un titre quand il le fait en live, il y a une ambiance de fou. C'est un peu, ça me rappelle un peu pour moi le Marcel et son orchestre belge. Oui, tu vois, on est un peu dans le même style, parce qu'ils arrivent sur scène, il est complètement déguisé, c'est improbable, ces déguisements sont improbables. Mais franchement je vous invite à aller voir Stella en concert. je voulais vous parler d'un film. On en a parlé il y a quelques semaines et on s'était étonné d'une chose, c'est qu'on n'en ait pas fait énormément de publicité, et je voulais vous parler du film Ghostland. Oui, oui. Avec Mylène Farmer. Et ouais, donc alors Mylène Farmer quand même en France, je vais pas dire que c'est une égérie, mais quand elle fait un concert, elle fait salle comble, elle fait des dizaines de dates dans toute la France, des fans il y en a partout, c'est vrai que ses spectacles sont quand même majestueux, on aime ou on n'aime pas sa voix, et puis j'étais quand même assez étonné que Ghostland en ayant un rôle quand même principal, j'étais étonné qu'on fasse pas beaucoup de publicité, en tout cas en France. Pour moi, il est passé inaperçu, Sherlock. Je ne sais pas ce que tu penses. Oui, complètement. C'est sorti des radars, hein, jamais entendu. C'est étonnant. Dans un film, et dans la curiosité, je me suis dit, tiens, je vais quand même le regarder, parce que c'est Mylène Farmer. J'aime bien critiquer Mylène Farmer, parce que je déteste Mylène Farmer, pour être honnête, en tant que chanteuse. Parce que je trouve que c'est pas exceptionnel. Tu chantes mieux que Mylène Farmer. Merci. Mais après, chorégraphie, il n'y a rien à redire. Au niveau spectacle, effectivement, tout est là. Et donc, j'ai regardé hier soir Ghostland. Et agréablement surpris, quand même, parce que c'est un film. On est loin du film d'épouvante. On s'y approche. On est plus sur un thriller. Et le scénario est plutôt bien monté. Et vous savez, c'est des fameux films avec un retournement de situation. Oui. Au début, on le regarde, on se dit, bon, allez, c'est encore un sempiternel film un peu thriller, épouvante, machin. Et puis non, en fait, il y a une belle histoire derrière qui vous retourne un peu. Et c'est vrai que je vous invite à aller voir ce film, Ghostland. Alors aujourd'hui, il est en DVD, il est en streaming. Juste pour dire que je suis quand même étonné que ce soit pas sorti en salle, ou alors que c'est pas fait en salle. Si, c'est sorti en salle. On n'en est pas fait des tonnes. Pourtant, je suis pas fan de Mylène Farmer, mais encore une fois, c'est un film que je vous invite à aller voir par curiosité. Vous le trouvez, avec un bon VPN sur des moyens légaux. Oui, mais c'est. Mais même en streaming, vous pouvez le voir en streaming. Et alors, ce qui est un peu étonnant, c'est la traduction, parce qu'effectivement, c'est pas la voix de Mylène Farmer, et peut-être heureusement. D'un côté, c'est dommage. Voilà, mais ceci dit, elle passe très très bien, elle vieillit bien aussi, je trouve, parce qu'elle a quand même dépassé la cinquantaine, je crois, j'imagine. Par contre, Choco, mais ça me surprend, ça m'agace, quoi. T'as Mylène Farmer, une actrice française, c'est un film américain. Ouais, absolument. Sa propre voix, c'est dommage. Alors je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est un film qui est sorti aux États-Unis et qui a pas très bien marché, donc du coup ils se sont dit on va pas le faire en France, j'en sais rien, je ne comprends pas, mais je pense que les fans de Mylène Farmer auraient dû se rendre dans les salles pour aller le voir. Il faudra qu'on m'explique pourquoi ce film n'a pas marché en France. Voilà. Donc Sherlock. Ah oui, il a fait que 135 000 entrées en France. Bah c'est étonnant. C'est étonnant, vraiment étonnant. Et je me dis, elle a plus de fans que 135 000. Bien sûr. Ne serait-ce que tous ses fans avaient été voir le film, je pense que ça aurait déjà dépassé le million, quoi, au moins. Mais déjà la pub. Les teasers étaient pas terribles. Le teaser du film était pas terrible. Je sais pas si vous m'en rappelez, mais pas terrible. Oui. On voit pas beaucoup Mylène Farmer. C'est vrai. Et ensuite, on n'en a pas fait du ramdam, quoi, dans les médias, pas parlé. Après, c'est le gars qui a fait la distribution, qui s'est complètement planté. Moi, j'ai eu l'occasion il y a 5 ans, sans dire des groupes formidables au niveau régional, mais qui auraient dû blinder à 7000 entrées, et il s'est retrouvé 150 personnes par un temps tout à fait normal, avec des buvettes, tout était prêt et tout. Il n'y a pas eu de com. Donc, si tu ne le sais pas, comme dirait l'autre. Donc c'était juste mon petit billet d'humeur. Ok, on va se retrouver après. Alors je sais pas si vous avez connu ce groupe dans les années 2000, ça s'appelait Kinito. C'est japonais, chinois ? Non, pas du tout, c'est des Français. Ah, en plus. Qui, en gros, critiquaient un petit peu tout ce qui était les Star Academy et tout ça, enfin tout ce qui était machine à faire des stars. Ça a marché au moins son truc là. La chanson a très bien fonctionné. Ça s'appelle La Maison de Disque. Et ensuite on viendra avec un groupe anglais qui s'appelle Keen, que je pense que vous connaissez, qui s'appelle Everybody's Changing. Sur le dos, je leur ai chanté mes cicatrices, le tout sur un accord de do. Oui, mais aujourd'hui, pour bien faire, il faut ressembler à Jennifer. Ma musique n'est pas assez triste, question physique, je suis pas bien beau. Aujourd'hui, pour être anarchiste, faut de la haute couture sur le dos. Je crois toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Dans l'émission 120 au compteur, et je vais vous parler des sorties ciné où ça va aller très très vite. Youpi! Parce que, bah, il y en a que deux, en youpi fait. Youpi, parce que ça va aller très très vite. Ah, d'accord, ouais. Youpa, peut-être. Oui, effectivement, il y en a que deux cette semaine qui ont retenu un peu plus mon attention. C'est une sélection, t'as fait, il n'y en a pas bah, que deux. Bah oui, bah, forcément. Non, non, il n'y en a pas que deux. Mais il y en a deux qui ont vraiment retenu mon attention, on va dire, cette semaine. Notamment avec donc le film Mission Impossible Fallout. C'est avec Tom Cruise, Henry Cavill et Rebecca Ferguson. C'est de Christopher McQuarrie et c'est, ça sort également en Belgique demain. Non, ça sort également en France demain. Bon, en fait, ça sort dans les deux, donc on s'en fout. Donc, c'est les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous. Dans Mission Impossible Fallout, Ethan Hunt, accompagné de son équipe de l'IMF, Impossible Mission Force, et de quelques fidèles alliés sont lancés dans une course contre la montre suite au terrible échec d'une mission. On n'en sait pas beaucoup plus, mais tant bon, mieux. C'est classique. Il y en a ras-le-bol parce que c'est le combien là, ouais, quatrième, non, 5 ou 6, je pense. 6e déjà, sérieux. Ouais, mais ça me fait penser au jazz bomb, à la limite, c'est à chaque fois c'est une mission différente. Il y en a quand même très très bon, visuellement. Ouais, ouais, bien sûr. Le premier était bon. Tom Cruise, c'est pas un acteur que j'adore, mais ah bah, bon, c'est il est pas le premier mauvais que j'ai préféré, moi. Ah, j'ai pas vu les autres, donc ah, oui, je sais pas. Mais... Ouais, le 2 ou le 3, j'ai bien aimé. Et ensuite, mon préféré quand même. Donc il y a le film My Lady qui sort en France et qui va sortir en Belgique le 8 août. C'est avec Emma Thompson, Stanley Tucci et Fionn Whitehead. C'est un film de Richard Eyre. C'est faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona May, juge de la haute cour, décide de lui rendre visite avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses. Les témoins de Jéhovah ? Je ne sais pas. Ouais, c'est dans cet esprit-là, mais ouais, je crois que c'est un mormon. C'est dans cet esprit-là, mais ça va être un très, enfin, je pense que ça va être un très beau film. L'actrice est très très bonne. C'est qui Emma Thompson? En tant que comédienne ou bah, quand je dis bonne, c'est toujours en tant que comédienne. Bon, Marine, tire avec qui au cinéma? Voir My Lady. Non, j'ai dit tire avec qui au cinéma. Bah, je sais pas qui est-ce qui vient voir My Lady avec moi. Bon, bah, on va passer un message sur Facebook. Qui veut aller voir My Lady avec Marine sur RLM? Bah, tu peux pas t'es maqué maintenant. Canon tiré à quoi? Vous deux. Non, je... My Lady. My Lady. My Lady. Ça marche. Ouais, Sherlock. Ah, moi, Mission Impossible. Ok. Ça marche. Bon, bah, moi, j'irai voir. Mais j'irai voir les deux, en fait. Mais... Aucun des deux. Aucun des deux. Bon, avant de faire une petite coupure musicale, je rappelle effectivement que vous avez la possibilité, si vous souhaitez, donc, de remporter vos places pour la foire expo, donc, de Gaillan, donc, entre le 1er et le 10 septembre. Dans cette, après, la, donc, à la fin de chaque exposition, vous avez un concert. Donc, c'est compris dans la place. Vous avez, par exemple, Enrico Macias, vous avez Gypsy, Rico et les Gypsy King, vous avez Claude Barzotti, et bien d'autres dans la programmation, et ça vous est offert donc par le commerçant, donc à tout bout de fil. Vous le verrez sur notre page 120 au compteur, vous allez voir, il y a un lien. Il suffit tout simplement d'envoyer vos coordonnées donc à une adresse sur Waterloo en France, et vous allez recevoir donc vos invitations gratuites. Profitez-en parce que il en reste très peu, et franchement ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut la peine. Bien. Ok, bon, on se retrouve juste après Léa Passy, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Comment tu dis? Léa Passy. Ouais, d'accord. Ouais. Elle a 22 ans aujourd'hui. C'est qui? C'est une chanteuse. Ouais, non, mais je me doute. Si on commence à fêter tous les anniversaires. Non, bah, ouais, non, mais bon. Donc, ouais, là, elle nous chante Pour aller où? C'est belle, c'est belle. C'est sorti en 2017. Non, non, c'est elle pas a chanté belge. Quoi de connu, je veux dire? Bah, Pour aller où? Et ensuite, on viendra avec Katy Perry et Chained to the Rhythm. Ok. Souviendras-tu de nos imprudences, d'une jeunesse qui pleure, des appels manqués? Sais-tu qu'aimais-tu le peu d'innocence au fond de nos cœurs, presque aimanté? Il a sûrement trop plu durant nos absences, les nuits sans couleur, les hôtels hantés, il se moque de nos. Oh, Yeah. dernière sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et vous êtes toujours sur RLM, sur 120 au compteur. Allez. Il y a Harry qui me fait Iti juste à côté, donc ça me perturbe quand même. On te téléphone, il le fait bien. Maison, on te maison, on te maison. Ça, c'est quand tu rentres chez toi. C'est ça. Alors, Marine, oui. T'as envie de nous parler aussi d'un événement que tu as encore vécu. Dis donc, t'as envie plein d'événements. Oui. La fête de la Sainte-Anne. C'est ça, à Péruet dimanche. Comme on en avait parlé la semaine dernière. Ouais. Et on est allé et ça a commencé à 18h. Donc sur scène, il y avait Pauline Ducolombier qui était dans The Voice Belge. Ouais. Il y avait un DJ qui était là qui s'appelait Didi Stéphane. C'était. Ouais. Ça devait être bien. Ouais. Il y avait un groupe qui faisait des. Qui prenait. Des instruments. Des covers de Simple Minds. Et ça s'appelait City of Lights. Moi, j'ai adoré. Après, il y avait Mister Cover qui sera aussi en concert le 26 janvier à Forêt Nationale. Ils sont très bons. Oui, ils tournent. Mais par contre, ils enchaînent les musiques, enfin, je ne les connaissais pas du tout, mais ils enchaînent les musiques comme ça. Ils ne s'arrêtent pas, ouais. Ils ne s'arrêtent pas. Et des fous sur scène, par contre. Ils sont 8-9, mais complètement. Déjantés. Ouais. Et après, il y avait Christophe William qui arrivait vers 22h45, 23h, je pense. Et ben voilà, qui a fait son. Ah non, pas bah voilà, parce que t'avais un petit bémol sur lui. Faut, oui, faut alors est-ce que. T'inquiète, il nous écoute, donc il faut lui dire. Ouais, j'étais mitigée. Bah, sur scène, voilà, il chante, il fait son show, nanana. Mais il est pas, je trouve qu'il est pas sympa avec ceux de la sécurité, avec les gens qui sont autour pour lui. Enfin, non, parce que tu sais, il dit, il est là et. Ceux de la sécurité, je vous parle, et puis ils sifflent après eux quand ils répondent pas, et tous des trucs comme ça, tu sais. Mais tu peux pas faire ça. Non, ouais, mais enfin, pas. Bon, tu peux être un artiste et pas être une tête de con, quand même. Mais tu peux être un peu quand même, quoi. Je suis d'accord, c'est vrai. Donc moi, j'ai pas trop... Tu joues la star, quoi, en fait. Ouais, voilà. C'est pas la première fois que j'entends. Moi, j'ai eu du mal avec William pour ça, quoi, parce que, ben, enfin, il fait son spectacle, hein, mais un minimum de politesse, ce serait pas trop. Je trouve pas très joli, moi, ce monsieur. J'ai pas fait gaffe. Moins que Kravitz. Ah bah oui, évidemment. Forcément. Comparaison. Mais alors, c'est, moi, j'ai écouté un peu du Willem, mais. C'est Willem ou Willem? Non, Willem, hein, c'est Willem. Hein. Ouais, Christophe Willem. À pas confondre avec Chris Willem, ce qui était. Oui, qui est un peu déjà local, reçu. Absolument, voilà. Et qu'on adore aussi, évidemment. Mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu la même chose, quoi. Enfin, on parlait aussi hors antenne de Julien Doré. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est le même style, quoi. Ou alors est-ce qu'il a vraiment des styles différents dans son concert ou Non, je trouve que c'est pareil. Par contre, j'ai du mal à, quand il chante à comprendre ce qu'il chante. Enfin, c'est vrai. Je sais pas, j'avais du mal à. Ah bah il a une voix quand même au perché, hein. C'est vrai, honnêtement. Voilà. Bon, en tout cas, t'as passé un très bon moment. Ouais. Et j'ai adoré le groupe City of Light. City of Light. Bah écoute, tu sais ce que tu vas faire la prochaine fois. Tu vas nous venir avec un ou deux titres et tu nous feras découvrir City of Light. Ça marche. Donc un cover de Simple Mind. C'est ça. Ah oui, bien. Ouais, ça fait 3 ans que le groupe existe et là c'était leur première vraie scène à Péruvé. D'accord, écoute, c'est noté. Eh ben, on va faire une petite coupure musicale. Oui, alors il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une artiste qui s'appelait Juliette. Oui, bien sûr. Qui avait fait une chanson qui s'appelait Rom Pom. Oui. Parce qu'on avait fait une petite blague. Voilà. Et là, tu as un titre qui s'appelle Tequila Sunrise. Non, du tout, non, mais là je vais vous le passer, Rom Pom. Ah, bah tu l'avais pas déjà passé? Non, je ne pense pas. Ah, je pensais. Je vous en avais parlé, mais je l'avais pas passé. Et là, je l'ai retrouvé. Donc, ça s'appelle Rom Pom, c'est Juliette. Donc, chanson de Nana Mouskouri. Hein, Non, pas du tout. Non. Bah, si, Rom Pom Pom. Pom. Rom, non, pom, moi, pom. J'étais parti sur Rihanna. Rom Pom Pom Pom. Rom Pom Pom Pom. Ah, Rom Pom Pom Pom. Marina se demande quoi? Tu connais pas Rom Pom Pom Pom? Moi, je suis perdue là. Rom Pom Pom Pom. Rom Pom Pom Pom. C'est moderne, ça termine en techno. Non, ça, je n'ai jamais trouvé. Il y a des chansons comme ça. Tu nous feras une chronique sur Nana Mouskouri. Comme l'oiseau en techno. Ouais. Donc il y a Juliette avec Rom Pom et on reviendra avec Lady Gaga et Bad Romance. Voilà, et à chaque fois c'est marrant parce que ça n'a rien à voir le morceau. Mais justement, et l'un mais c'est, et ça. C'est vraiment très, très éclectique quoi. Oui. Mais j'en ai jamais fait. Hein, mais... comme dirait Claude François, c'est très éclectique. Dans mon petit bar qui paye pas de mine, j'étais tranquille. J'étais pépère avec mes copains de routine, percolateur et pompe à bière. Quand un beau soir ils sont entrés, quatre playboys et trois donzelles m'ont dit avec autorité, nous souhaiterions boire un cocktail. On veut un rhum pomme, un gin grenade. Nutella, une tequila tagada, un Beaujolais, un Sauvignon Passion, un Baileys Fraise, un whisky Kirikiwi. Ils ont dû se tromper d'adresse, on dirait qu'ils ne pigent pas, ou que c'est qu'ils ont posé leurs fesses. Ici c'est pas le Lutetia. Seulement voilà, par ces temps de crise, faut parfuser la clientèle. Ni une ni deux, hop, j'improvise. Je leur en faire moi des cocktails. En v'là du rhum, pomme, du viande oxon de rox, du sazano tabasco, du perno, porto pruno, du glignolé, du bartisol menthol, du ricard poire, du whisky kirikiwi. Servi mes créations, y en a aucun qui a vomi. Y en avait même pour dire oh, c'est bon, mais c'est vraiment the place to be. Dans mon petit bar qui paye pas de mine, c'est le défilé des vedettes. Je crois que j'ai trouvé la combine. Chaque jour une nouvelle recette. Je fais des rom-poms, des jeans grenadines, des vodkas Nutella, des tequila tagada. Je fais du kirmir, du pif avec du sif, du desktop yop, du whisky kirikiwi, du malibu, du pomerol vitriol, de l'eau de vaisselle javel. Et ça, ça part comme des petits pains. Ce qui marche très très bien aussi, c'est le Red Bull Fuel, le mescal gasoil et le vermouth mazout. Et ça, c'est un peu... Les mecs sont restés coincés, quoi. Ils sont venus aveugles et tout. Bon. Excusez-moi, est-ce que vous faites le piquant oignon goudron? Hein? Il est pas bon, hein? Roma, Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? Touch of your head. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et pas de Bad Romance sur 120 au compteur. On espère que vous passez une bonne soirée qui va pas tarder à s'achever. Il nous reste 2-3 minutes en la soirée en tout cas, mais l'émission. Non, la soirée, mais l'émission, pardon. Ah mais, oui, elle va démarrer. Mais si l'émission s'arrête, la soirée est terminée. Non, elle va continuer, évidemment. Je sais que chez vous, les chers auditeurs, vous nous écoutez de plus en plus. On le voit sur notre page Facebook. D'ailleurs, merci, n'hésitez pas à nous balancer vos coms. Il existe la page 120 au compteur, donc sur RLM. Et puis, on fait toujours un plaisir de vous répondre. On est très réactifs, hein, c'est vrai. On essaye tous les animateurs de vous répondre. Voilà, puis, donc on partage des événements aussi, on est là pour ça. Oui, bien sûr. Des événements quand il y a une actualité autour de chez vous, si vous avez un concert, un spectacle, quel que soit le. Enfin, il faut que ce soit dans la région aussi, quand même. Hein, si c'est sur Marseille, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si c'est dans le coin, n'hésitez pas, elle est faite pour ça. Hein, ce que tu dis est très juste, donc ne vous froissez jamais, parce que parfois vous nous envoyez aussi, on lit tout, vous nous envoyez des événements, oui, effectivement, qui ont lieu à 400 km parce que vous êtes fan et on ne peut pas tout publier. Sinon, absolument. Alors il y avait justement également un événement et on n'aura pas le temps d'en parler qui aura lieu donc le 4 août du côté de Tournai. Donc l'événement a été partagé sur la page RLM. Ouais. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais bon on en reparlera pas. Pas, non, parce que c'est le 4 août. Voilà. Mais vous regardez donc sur la page RLM et vous verrez donc cet événement donc qui aura lieu dans les alentours donc de Tournai. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec Guigui Stéphache. Oui, exact. Le Défi Mix. Voilà, donc le Défi Mix. Moi, je ne serai pas là. Voilà, c'est une deuxième bonne nouvelle. C'est ce que j'allais dire. Stéphache et Canon pour faire une bonne nouvelle qui n'arrive jamais seule. Pour commencer un bon mois d'août sans Canon avec Stéphache. Voilà, et puis le temps de se remercier mutuellement. Allez, on se remercie mutuellement, tous en cœur. Merci à nous. On remercie pour la bonne humeur et évidemment toutes les infos, les bonnes infos que Marine nous a donné, qu'on retrouve régulièrement maintenant sur l'antenne de RLM. Le vendredi. Voilà, le vendredi, ouais. Donc voilà, qui a aussi. Il y a aussi sa page. Hein, Il faudrait que tu nous en parles à la prochaine émission, je suis pas là, donc profite. Ah voilà, absolument, absolument. T'auras de la place. Merci à Canon pour cette belle chronique et cette chanson, donc traduction, chanson anglophone Hotel en français, California. Hotel California. Merci à Sherlock. Mais je vous en prie. Et puis merci à moi pour rien du tout. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour tout le reste. Restez à l'antenne, évidemment, donc de RLM, puisqu'on est on émet donc 24h sur 24. Et demain matin, ne loupez surtout pas donc les matinales donc de notre ami Arnaud. Ouais, allez, ciao ciao. Ciao, partez-vous bien. Salut à tous.